إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit inshallah les cours qu'on a déjà entamés et qui concernent donc les règles du takfir, sachant que Cheikh Hafir fi kitabi a'lam sunnah rahimahullah, il nous a donc parlé de ce qui était en relation avec le kufr, tout ce qui était en relation avec le kufr. Et lorsqu'on dit kufr, donc la mécréance, on dit également takfir. Takfir, bien entendu, qui est l'acte de rendre une personne ou un groupe de personnes mécréantes. Donc c'est ce qu'on appelle takfir, qui est donc un acte que l'on va faire, et qui est donc l'acte de rendre mécréant. À la kulli hal, on s'est ensuite attardé sur ce sujet en rappelant certaines règles qui sont associées donc à ce thème et qui est très important. On a vu des règles qui concernaient donc le takfir, et on a vu également les catégories qui rentraient dedans. Donc on va continuer inshallah aujourd'hui, et on avait dit qu'on allait poursuivre sur ce qu'on appelle shurut takfir. Et lorsqu'on dit shurut takfir, c'est bien entendu ce qui va correspondre à al-mu'ayyan, c'est-à-dire takfir al-mu'ayyan. C'est donc les conditions de rendre mécréant un individu, une personne. Donc on a déjà expliqué ce que voulait dire le terme al-mu'ayyan, et qui est donc la deuxième catégorie du takfir. Donc on va mettre en évidence ici les conditions de ce takfir. Quelles sont les conditions qui sont demandées, que l'on doit concrétiser pour ensuite appliquer cette loi sur une personne. Également voir ce qui empêche d'appliquer ces lois. Parce qu'on a vu le dernier cours, lorsqu'on parle de shurut, qui est donc le pluriel de shart, et lorsqu'on a dit shurut, on a également dit mawani'a. Mawani'a. El mawani'a, c'est le pluriel donc de mani'a. El mani'a, c'est ce qui va empêcher d'appliquer le hukm. Donc une chose qui va venir s'interposer entre la personne et ce hukm, et qui va donc par conséquent ne pas pouvoir appliquer ce hukm à cette personne de par ce mani', de par ce qui va donc empêcher l'application de ce hukm. Et le cours dernier, on a vu, ou plutôt on a simplement énuméré, qu'on allait voir quatre shurut, c'est-à-dire donc quatre conditions, et c'est celle qu'on va développer dans ce cours inshallah, ou une partie d'elle dans ce cours. Et bien entendu, pour que ce soit plus facile à enregistrer et à mémoriser, on va d'abord les citer Ujmalan, de façon globale, et ensuite on va donc les détailler. La première de ces conditions, c'est an yakun al muayyan baligan aqilan. Baligan aqilan, c'est tout simplement que la personne sur qui on va appliquer donc ce hukm là, cette loi qui est du takfir et qui est donc qu'on va le faire sortir de l'islam, il faut que ce soit une personne, c'est la première condition, qui sont donc balir. Et lorsqu'on dit balir, c'est bien entendu celui qui atteint l'âge de maturité, bien entendu suivant les règles de l'islam, qui est donc pubère. Hada wal balir wal aqil. Al-aqil, celui qui a toute sa raison, qui est doué d'intelligence, qui a toute sa raison. Donc on va revenir sur ça. La deuxième condition, an yaqa'a minhu al-kufr ala wajh al-ikhtiyar, c'est-à-dire que le kufr qui va advenir de cette personne-là, elle advient de son plein gré. Elle advient de son plein gré, délibérément. Ça également, c'est une condition. C'est une condition qu'il faut qu'elle soit présente pour pour appliquer donc ce hukm sur cette personne. La troisième condition, antablouahu al-hujjatu allati yukaffiru bi khilafiha, c'est tout simplement que al-hujja, et inshallah sur cette condition on va s'attarder sur la quatrième condition également. Donc al-hujja, qui est la preuve, il faut qu'elle atteigne la personne, qu'elle soit mise en évidence. On va revenir sur ça de toute manière et l'expliquer. Donc ça, s'établir al-hujja, donc lui faire parvenir la preuve à cette personne, ça c'est également une condition. Et ensuite la quatrième et la dernière condition, an la yakuna muta'awwilan. Cette quatrième condition donc, c'est qu'il ne soit pas, qu'il n'interprète pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un acte d'interprétation par rapport à ce dans quoi il est tombé, comme kufr bien entendu. On va revenir également sur ça, à la kulli hal. On va détailler chaque condition et vraiment voir ce qu'on veut dire par ces termes qui sont employés. Que ce soit iqamatul hujja, que ce soit at-ta'wil, ou an yakun muta'awilan, etc. Donc on va commencer, inshallah, par la première condition. Pour ce qui est donc de la première condition, on va pas s'attarder dessus. Et c'est plus qu'évident, cette personne-là, cet individu, pour qu'on le fasse sortir de l'islam, il faut que ce soit une personne qui soit donc baligh. Une personne en réalité qui a donc atteint l'âge de puberté. Et qui a donc, en ce sens-là, toute sa raison, sa faculté, qui sache donc à partir de là distinguer entre le mal et le bien. Et également la deuxième condition, an yakun aqilan. Aqil, bien entendu, celui qui est doué de sa raison. On va faire sortir du aqil, bien entendu, celui qui est fou. Et ce qui rentre dedans. Et on va bien entendu ici revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu par tout le monde. Et qui est le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la plume, al-qalam, rufi' al-qalam an thalatha, que la plume a été élevée par rapport donc à trois personnes. C'est-à-dire donc, tout simplement, lorsqu'on élève cette plume-là, ça veut dire qu'elle ne va plus écrire. Et c'est-à-dire donc que ceux qui écrivent les actions des hommes ne vont pas écrire. Pourquoi ? Parce que ces actes-là ne vont pas compter. Donc ils ne vont pas faire partie de ceux qu'on appelle al-mukallafin, de ceux donc qui sont concernés par al-khitab, qui sont concernés donc par les textes religieux, qui sont concernés donc par les ordres, qui sont concernés par les interdictions, etc. Tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle al-khitab. Et bien entendu, parmi ceux qu'il a cité le prophète sallam, et ces trois, an-na'im, an-na'im hatta yastayqir, c'est-à-dire bien entendu celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille, wan-sarir hatta yakbur, et l'enfant, donc le très jeune enfant, l'enfant, hatta yakbur, jusqu'à donc qu'il devienne grand. Et donc hadha wa shahid min isbati al-baligh, wa an al-majnun hatta yaqil, c'est-à-dire le fou jusqu'à qu'il ou que sa raison lui revienne, qu'il devienne donc doué de raison. Pour ces trois personnes, Allah Azza wa Jal ne compte pas leur action, dans le sens donc qu'ils ne sont pas rétribués par rapport à ce qu'ils font, ou qu'ils ne sont pas châtiés par rapport à ce qu'ils sont, parce qu'ils font, car ils ne sont pas responsables à ce moment-là de leurs actes. Et c'est en réalité ici une règle qui est fondamentale en islam, comme nous l'ont rappelé la plupart des savants. Et c'est pour ça que, pour ce qui est de Al-Majnoun, du fou, Ibn al-Mundhir, un des grands savants parmi les salafs, et qui a donc écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma', qui est donc le consensus. Et le consensus, on a déjà vu ce que c'était le consensus. Et dans ce livre-là, tout simplement, il va rappeler tous les consensus des savants. Et il l'a fait suivant, bien entendu, un ordre bien précis, suivant Abu Abel Firq. C'est-à-dire qu'il va rappeler tous les consensus, que ce soit fi tahara, que ce soit fi salah, etc. Tout ce qu'il y a eu comme consensus entre les savants pour ce qui est de la jurisprudence, pour les points de la jurisprudence. Et ce livre qu'il a donc intitulé Al-Ijma', et qui est en réalité donc citation, l'énumération de ce qu'on appelle donc Al-Ijma', de tous ces consensus. À la kulli hal, qu'est-ce qu'il dit dedans, Ibn al-Mundhir ? أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants. Si le fou, sort de l'islam, إذا ارتد في حال جنوني, sort de l'islam au moment donc de sa folie, en état donc de folie, alors ils sont tous d'accord, les savants, pour dire qu'il est musulman à la makana qabl dhalik, suivant donc ce qu'il était auparavant, dans l'état d'islam ou en étant musulman. Donc ça, c'est un ijma' par rapport à cette question-là. Donc c'est en réalité une des conditions pour ce qui est du takfir, une des conditions. Donc la personne qui ferait des choses qui font sortir de l'islam alors qu'il était musulman, mais qu'après lui il a eu ce qu'on appelle donc la folie, il a été pris donc de folie, il est devenu donc en ce sens fou, la loi ne peut être appliquée sur lui. Il reste donc musulman comme il était auparavant, c'est-à-dire avant que cette folie lui vienne. Et bien entendu, ce qui va dans ce sens, c'est ce qui a été cité, pour ce qui est donc du jeune, c'est-à-dire de l'enfant. L'enfant, lui, qui n'a pas la raison suffisante pour donc discerner et pour savoir ce qui est le bien du mal. Et donc à ce titre-là, il n'est pas mukallaf. Et donc on ne peut appliquer sur lui toutes les règles. On ne peut pas appliquer sur lui toutes les règles. Et parmi ces règles, bien entendu, est takfir. Et ça, ce qui est le plus évident. Donc c'est pour ça que ça, c'est la première condition. Ensuite, la deuxième condition qu'on a citée, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle va dire cette parole du kufr qui fait sortir de l'islam, lorsqu'elle va faire cet acte qui fait sortir de l'islam, il faut qu'elle le fasse ce qu'on appelle à la loi du qasd ou à l'ikhtiyar, c'est-à-dire qu'elle le fait délibérément, de toute sa volonté. Et bien entendu, ce qui va aller à l'encontre de cela, qu'il ne soit donc pas contraint. C'est une condition qui va être prise en compte par les savants pour appliquer également cette loi. C'est-à-dire que si la présence ou la non-présence de ce qu'on appelle l'irtiab, donc le choix, et également la volonté de la personne n'est pas présente, alors à ce moment-là, on ne peut appliquer sur lui cette loi. Et le verset du Coran qu'on va citer, qui est en réalité une preuve par rapport à cela, que l'on prend ici comme preuve dans ce sujet-là et pour d'autres choses encore, et qui fut surat al-Nahl, et qui est le verset 106, c'est-à-dire surat les abeilles, qui est le verset 106. Donc la preuve de cela, c'est le verset suivant. يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Dans ce verset, Allah عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانهم, quiconque a renié Allah après avoir cru. Illa, donc ici istithna, sauf illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Walakin, donc ce qui est voulu par cela ou par celui donc qui a renié Allah après avoir cru, walakin man sharaha bil kufri sadra, c'est-à-dire mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, et ils ont un châtiment terrible. Donc ici c'est une preuve par rapport à ce qu'on a avancé, que celui qui est contraint à dire la parole du kufr ou à faire l'acte du kufr, on ne peut appliquer sur lui ce hukm-là, le hukm donc du takfir. On ne peut donc le rendre mécréant. On ne peut donc le rendre mécréant. La personne, si elle fait cela pour sauver sa vie, si elle fait cela donc lorsqu'elle est contrainte, à ce moment-là, on ne pourra jamais appliquer ce qu'on appelle at-takfir, donc le rendre mécréant. On va voir ce qui rentre dedans. Et ici, tifaq al-ulama, c'est-à-dire que les savants sont tous d'accord par rapport à cela. Donc la personne soit contrainte. Et ce qui va également rentrer dans ceci, c'est lorsque la personne, lorsqu'elle va perdre la tête, qu'elle ne va plus penser de façon sereine. Et la cause de cela, ça peut être donc ishiddati farah, c'est-à-dire donc d'une joie qui va être très importante, très appuyée, une joie extrême. Ou alors le contraire, un huzn, c'est-à-dire donc une peine qui va être extrême. Et à ce moment-là donc, lorsqu'il va lui advenir ça, il va dire la parole du kufr. Mais ce n'est pas donc de par son qasd, ce n'est pas en réalité de par sa propre volonté et de par son propre choix. Et de manière délibérée. C'est en réalité une cause ici qui va être prise en compte et qui va donc à ce moment-là empêcher qu'on lui applique la loi donc du takfir. Et bien entendu, pour ce qui est de la preuve de cela, elle est prise de la sunna, un hadith qui est connu par tout le monde, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, un hadith Anas. Lorsqu'une personne, comme nous le raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith rentre bien entendu fi tawba ou fadl tawba, donc le bienfait du repentir, le bienfait de la tawba. Lorsqu'une personne, lorsqu'elle était dans un désert complet, et avec elle bien entendu sa monture et tout ce qu'elle porte, sa monture comme nourriture, etc., tout ce qu'il a besoin pour donc survivre, et lorsque cette monture s'est échappée de lui et qu'il a donc désespéré jusqu'à qu'il s'est endormi de désespoir, et lorsqu'il va se réveiller, il va tout simplement voir ou va s'apercevoir que sa monture est revenue, et qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Il va dire tout simplement kalimat al-kufr, c'est-à-dire une parole, il n'y a pas plus kufr que cette parole-là. Et il va dire, comme le dit le prophète, min shiddatil farah, c'est-à-dire ici, donc d'une joie qui va être extrême. Et cette joie extrême, à ce moment-là, comme on l'a dit au début, donc, c'est comme s'il en perdait la tête de cette joie extrême, et que sa pensée ne peut être sereine à ce moment-là. Et il va dire, Allahumma anta abdi, c'est-à-dire, ô mon Seigneur, tu es mon serviteur, wa ana rabbuk, et je suis ton Seigneur. Donc regardez, il inverse complètement ce qu'il a voulu dire, subhanallah. C'est en réalité, il ne l'a pas fait bil ikhtiyar, il ne l'a pas fait bil qasd, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de sa propre volonté. Il n'a pas voulu dire ce qui était dit. Akhta'a min shiddatil farah, comme cela est venu dans une des lafs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des paroles, akhta'a min shiddatil farah, c'est-à-dire qu'il s'est trompé par cette joie extrême. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, il va nous rappeler également, pour ce qui est donc de ce hadith, comme a fait Kitabi al-Qawaid al-Mufla, il va nous rappeler que min al-mawani', c'est-à-dire de ce qui va empêcher d'appliquer le kouf ou le takfir, il va nous rappeler certaines situations, an yukra ala dhalik, qui soit contraint donc de faire le kouf, alors que son cœur, bien entendu, comme cela est cité dans le verset, alors que son cœur est serein et que son cœur est rempli de foi. Et également, il va citer Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, li shiddati farahin aw huznin aw khawfin aw nahw dhalik. C'est-à-dire donc, à la kulli hal, lorsque elle est atteinte d'une joie extrême, ou alors d'une peine également extrême, ou alors d'une peur extrême. Tout cela, et en se basant bien entendu sur ce hadith-là, et en faisant une analogie avec d'autres situations qui vont être similaires par rapport à cela, il va donc dire qu'on ne peut à ce moment-là appliquer le takfir sur cette personne-là. Également, lorsqu'on va voir une des paroles de Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, qui va citer également d'autres causes dans ce qui va aller à l'encontre de ce qu'on appelle l'ikhtiyar, donc être délibéré dans son choix et le faire de sa propre volonté, al-qasd. Il va nous rappeler fi kitabi a'lam al-muwaqqi'in, il va dire donc bil-ghalat, al-ghalat qui est donc al-khata, donc par l'erreur. Il va nous dire également nisyan, par nisyan, c'est-à-dire donc l'oubli. Il va dire également as-sahu, c'est-à-dire donc la distraction. Il va dire également sabqul lisan, c'est-à-dire donc lorsque la personne, elle va dire une chose mais elle n'a pas voulu le dire, c'est-à-dire c'est sorti de sa bouche sans que elle n'ait l'intention de le dire. Et cela, ça arrive, naam, ça arrive des moments de dire une chose, on n'a pas voulu la dire. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent. Il va nous dire, Ibn al-Qayyim, il nous dit que c'est quelque chose qui est inhérent. Min lawazim al-bashariya, la yakadu yanfuku l'insan min shay'in minhu. Ce sont des choses qui sont inhérentes à la nature humaine. Et la personne ne peut donc se débarrasser de ces choses-là. C'est pour ça que, dans ce sens-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il va dissiper donc ce qu'on pourrait appeler al-mashaqqa, donc il va dissiper cette difficulté par rapport à la personne, et il va dans ce sens, il va yarfa al-hukm, c'est-à-dire qu'il va donc élever ce hukm, il ne va donc pas l'appliquer sur la personne. Donc à la kulli hal, ça c'est pour ce qui est de la deuxième condition, ce qui est donc de la deuxième condition. Et donc on la répète, cette deuxième condition qui est la suivante, an yaqa'u aw an yaqa'a minhu al-kufr à la wajh al-ikhtiyar, c'est-à-dire que cette personne-là, qu'elle fasse cet acte-là de son plein gré, délibérément. Ensuite, la troisième condition, c'est qiyam al-hujja, à la shakhs al-mu'ayyan, qabla takfiri, c'est tout simplement qiyam al-hujja. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ce terme? On pourrait traduire par le fait d'éclaircir la preuve, le fait de la mettre en évidence, le fait de démontrer donc la vérité en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna. Tout ça en réalité on pourrait le traduire par ce qu'on appelle qiyam al-hujja. Et lorsqu'on dit bien entendu qiyam al-hujja, la preuve, on a déjà parlé dans les cours précédents, on a déjà cité des versets en ce qui concernait cela, c'est-à-dire ce qu'on appelle qiyam al-hujja, qui était en réalité une introduction pour mettre en évidence que dans ce qui se rapporte au takfir, il y a des conditions à remplir et il y a des, ce qu'on appelle donc al-mawani' à dissiper, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la dissipation de ce qui va empêcher l'application du hukm. Al-mawani' intifa al-mawani'. Donc cela on l'avait déjà expliqué en introduction. On avait dit donc que lorsqu'on allait citer les différentes conditions du takfir, on allait revenir donc sur cette condition et voir ce qu'on voulait dire par qiyam al-hujja. Et parmi les versets qu'on avait déjà cités, ce verset qui fait surat al-Isra, qui est le verset 15, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Donc Allah Azza wa Jalla nous informe ici qu'il ne châtie pas un peuple jusqu'à qu'il lui envoie bien entendu qui? Un prophète. Et pourquoi ce prophète? An yuballigh ar-risala, c'est-à-dire donc qu'il transmette le message, et de par là yuqim al-hujja alayhim, c'est-à-dire donc qu'il va appliquer et qu'il va mettre en évidence al-hujja, c'est-à-dire donc la preuve. Également l'autre verset qu'on avait cité qui fait surat an-nisa, qui est le verset 165, rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y a eu pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Et donc le terme employé ici, c'est hujja dans le verset. Hujja, c'est le terme employé. On parle bien également ici, donc de hujja, pour voir donc les termes qui sont repris. À la kulli hal, il va nous rappeler Ibn Qayyim rahmatullah alayh fi kitabi Tariq al-Hijratayn, donc qui est la voie des deux exils. Il va nous rappeler Ibn Qayyim que al-azab yastahiq bi sababayn, c'est-à-dire donc le châtiment, la personne va le mériter à cause de deux choses. Il va nous dire la première chose, al-i'rad 'an al-hujjati wa 'adam iradatiha wa al-'amal biha wa mujibiha. Tout simplement, la première cause qui va ici être la cause du châtiment et que la personne va mériter le châtiment, c'est tout simplement al-i'rad. Al-i'rad, un terme qu'on avait déjà expliqué lorsqu'on a vu kufr al-i'rad, et que le fait de se détourner. Le fait de se détourner de quoi? De la preuve. C'est-à-dire que la personne n'apporte la preuve et elle ne veut écouter la preuve. Elle se détourne de cette preuve-là. Il ne la veut pas. Comme nous dit le Qayyim, Adam iradatiha wal 'amal biha, et il ne veut pas donc appliquer cette preuve-là et ce qu'elle va impliquer, cette preuve-là. Et la deuxième cause, al-thani al-'inad laha ba'da qiyamiha wa tarku iradati mujibiha. Al-'inad, qui est donc le fait de renier, la renier, c'est-à-dire tout simplement lorsque la preuve a été mise en évidence, qu'elle a été écoutée, que la personne ne s'est pas détournée de son écoute et de sa compréhension. Donc on va encore revenir. On va revenir à ce terme-là, al-fahm, pour ce qui est de qiyam al-hujja. À la kulli hal, na'am, après donc que la preuve lui soit exposée et qui donc à ce moment-là, il la renie, il délaisse donc tout ce qui va impliquer donc cette preuve, il va nous dire ça, c'est les deux causes. Et il va nous dire fal-awwal kufr i'rad. Le premier en réalité, ça rentre dans ce qu'on avait déjà vu et qui est une des catégories du kufr i'rad, qui est tout simplement donc la mécréance donc due au détournement. Et le deuxième, c'est kufrun inat, c'est donc la mécréance qui est due au reniement, le fait de renier. Tayyib. Wa amma kufr al-jahl, et c'est ce qu'on avait déjà expliqué. On revoit ici l'importance de revenir lorsqu'on a parlé ou lorsqu'on parle de qiyam al-hujja. Il va nous dire wa amma kufr al-jahl ma'a adam qiyam al-hujja, c'est-à-dire donc la mécréance qui est due à l'ignorance, avec donc la non-présence de l'exposition de quoi? De cette hujja, l'exposition donc de cette preuve. Wa adam tamakkun min ma'rifatiha, et donc que la personne n'a eu la possibilité de la connaître. Fa hadha alladhi nafa Allah at-ta'dhib 'anhu hatta taqum hujjat ar-rasul, hatta taqum hujjat ar-rasul. Donc il va nous dire Ibn Qayyim, celle-là, ce qu'on appelle donc kufr al-jahl ici, et qui est cité donc dans les versets, ou que l'on comprend à partir des versets, c'est tout simplement ce qu'Allah Azzawajal a nié, ou a nié donc le châtiment qui va donc être impliqué lorsque la personne tombe dedans. Ici Allah Azzawajal nie, c'est-à-dire comme dans le verset, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc la personne qui est dans ce kufra, c'est kufra al-jahl. Et à partir de là donc, tant que le hujja ne lui est pas venu, Allah Azzawajal ne châtie pas. Et c'est pour ça que l'imam, à partir de ce verset, c'est pour ça que l'imam al-Shatibi, rahmatullah alayh, il va nous dire, comme a fait Kitab al-Muwafaqat, il va dire, فجرت عادته في خلقي أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل. Il va nous dire, al-Shatibi, rahmatullah alayh, que cette ada, c'est-à-dire donc, que cette habitude qui est appliquée et que l'on retrouve, في خلقي, c'est-à-dire, que l'on retrouve donc auprès des créatures d'Allah Azzawajal, et qui est donc cette habitude-là ou cette règle-là qui est donc qu'Allah Azzawajal ne châtie pas et ne tient compte à celui donc qui va tomber fil mukhalafa, qui va tomber donc dans ce qui est le mukhalafa, ce qui va à l'encontre donc du din, uniquement après qu'il a envoyé ses prophètes. Ensuite il dit, فَإِذَا قَامَتَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ. Donc lorsque la preuve elle est exposée, elle est mise en évidence, et que la personne donc a compris, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Donc il nous cite ce verset, celui qu'il veut alors qu'il croit, et celui qu'il veut alors qu'il mécroit. Donc on voit ici de manière claire qu'il y a bien la présence de cette hujja, et qu'elle va rentrer donc dans les conditions. Et lorsqu'on parle donc de hujja, que l'on applique également, que ce soit ici min bab al-ta'thim, ou que ce soit min bab al-takfir, donc que ce soit par rapport à la rétribution du châtiment, ou que ce soit le fait d'appliquer donc un hukm à cette personne-là, on va mettre ici l'accent sur un point qui est important, c'est tout simplement lorsqu'on parle de qiyam al-hujja, le fait d'exposer donc cette preuve-là, est-ce que la personne doit la comprendre? Est-ce que c'est uniquement l'exposer, ou alors l'exposer mais la faire comprendre également à la personne? Il faut savoir que certains savants ont dit que c'était uniquement l'exposer, et que d'autres savants non. Et même la plupart des savants, ils vont mettre en évidence que c'est bel et bien la comprendre, et comprendre son sens à cette preuve-là, pour donc ensuite on applique sur la personne le hukm. Et c'est la plupart des savants, ce deuxième avis, et qui en réalité le Qawl Rajih, qui est la parole bien entendu la plus forte pour ce qui est de cette question-là, et on verra sur quoi donc on s'appuie pour dire cela, pour donc comprendre ce qu'est Qiyam al-Hujjah. Dans un premier temps, un des versets du Coran que l'on cite ici, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 286, يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et on sait que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'Allah azza wa jalla yaqul qad fa'alt, c'est-à-dire qu'après cette dua qui était dit, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur, Allah azza wa jalla stajab, c'est-à-dire qu'il a répondu à cette invocation. Ce sera donc ainsi. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce verset-là? Que la personne qui n'a pas eu la compréhension de la preuve, qui n'a pas compris la preuve qui lui a été expliquée, alors à ce moment-là, ça va rentrer dans la charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire qu'il a une capacité par rapport à sa compréhension, et ici il n'a pas pu comprendre suivant donc son intelligence, suivant son niveau de compréhension, il n'a pas pu comprendre. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, on ne peut dire que Al-Hujja a bel et bien été validé par rapport à cette personne qui n'a pas compris cette hujja. C'est pour ça que beaucoup de savants, parmi les usuliyin, qui ont mis donc, ou qui ont compté, al-fan min shurut taklif, min shurut taklif, donc fahm ul-khitab, que la personne donc comprenne ce qui lui est demandé. Et ça, ça fait partie donc de shurut at-taklif, ça fait partie des conditions pour que la personne donc soit responsable à partir de là de ses actes. Et également, si on regarde donc dans le verset, après donc que cette dua a été dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, et qu'Allah Azza wa Jalla donc a répondu à cette invocation, subhanahu wa ta'ala, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et bien entendu, lorsqu'on va dire châtier, parfois lorsqu'on va dire commettre une erreur ou le fait d'oublier, la personne qui n'a pas compris et qui va comprendre peut-être d'une autre manière ou qui ne va pas comprendre El Maqsoud, qui ne va pas comprendre ce qui est voulu et qu'il va lui comprendre une autre chose, cette personne-là également va tomber dans ce qu'on appelle Ralat, va tomber dans ce qu'on appelle El Khata. Donc on voit que ce verset ici également est une preuve par rapport donc à ce qui est de la compréhension, et que cette compréhension reste donc une condition dans ce qu'on appelle Qiyam al-Hujjah. Donc il faut qu'il y ait al-Fahm. Et si on regarde également un autre verset du Coran qui va également nous mettre en évidence que la personne, lorsqu'elle elle fait l'erreur et qu'elle n'a pas la compréhension, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne la châtie pas et n'applique pas sur elle al-Hukm, la loi. C'est un verset qui se trouve sur Surat al-Anbiya et qui va parler de Daoud et de Sulaiman. Surat al-Anbiya, qui est le verset 78 et le verset 79. يقول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Dans ce verset, et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un camp cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Naam. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Comment on va comprendre ce verset? Sans entrer dans les détails, une question ou un problème a été exposé. Qadiya a été exposé donc à Daoud, a été exposé également à Sulayman, afin donc que l'on tranche. Donc ici, un différent qui est exposé donc à ces deux prophètes, à ces deux grands prophètes, pour qu'ils tranchent et qu'ils donnent donc un jugement. Il va y avoir un parmi ces prophètes qui va donner al-haq, qui va donner donc la vérité, et qui va donc juger suivant al-haq, et l'autre qui ne va pas juger suivant al-haq. Ici donc dans ces versets du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il va donc nous faire comprendre, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne va pas tenir compte de l'erreur donc d'un de ses prophètes qui est tombé donc dans l'erreur du jugement, alors qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné la façon, la faculté de juger, et leur a donné donc le savoir, hukman wa ilma. Simplement ici, on va s'apercevoir que Daoud, car c'est Daoud en réalité qui s'est trompé ici, et que Sulayman, qu'Allah Azza wa Jalla waffaqahu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla lui a donné son tawfiq pour que lui il comprenne, fa fahamna Sulayman, comme on comprend donc dans le verset. On va s'apercevoir à partir de là que Daoud, il va donc excuser de par son ijtihad et donc de par la mauvaise compréhension qu'il a eue par rapport à ce jugement. Donc ici, il n'y a pas le hukm qui est appliqué par rapport à Sulayman, le fait tout simplement qu'il n'a pas appliqué la vérité par rapport donc à cette personne-là. Donc on va comprendre ici que la compréhension était donc une condition pour que le hukm soit appliqué, qui est donc ici le châtiment. Si donc il y aurait eu la bonne compréhension du jugement et que le hukm aura été fait délibérément en contradiction avec la preuve, alors à ce moment-là, naam, il y a eu du châtiment. Et ça n'a pas été le cas. Donc on voit bien ici dans ce verset et dans cette histoire qui est arrivée donc à ces deux prophètes, et notamment donc l'erreur ici de Daoud, on va s'apercevoir donc que la compréhension est bel et bien prise en compte par rapport au char. Également, une autre preuve qu'on va apporter, et qui est ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, et également Al-Bazzar, et qui est un hadith Hassan, un hadith qui est considéré comme bon dans la chaîne de transmission est Hassan, et qui est un hadith Al-Aswad ibn Sari'a ou Suri'a, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة. Donc il va avoir quatre personnes le jour du jugement. رجل نصوم لا يسمع شيئا. Donc une personne qui est sourd et qui n'entend donc rien du tout. ورجل أحمق, une personne qui est faible d'esprit, ou on pourrait dire dérangé d'esprit. Ici le terme أحمق, la personne qui est en réalité folle, une personne qui est dérangée d'esprit, folle. طيب. ورجل أحمق. ورجل هريم. ورجل هريم. Donc le troisième ici qui est donc très vieux. Lorsque bien entendu la personne elle atteint un niveau de vieillesse, elle n'a plus la faculté de comprendre. C'est ce qu'on appelle donc al-harim, donc une personne très très vieille. C'est la troisième personne. Et la quatrième personne, warajulun mata fi fatratin, c'est-à-dire donc une personne qui va être morte entre deux périodes, donc entre les périodes où les prophètes seront envoyés. C'est-à-dire qu'il n'y aura lui pas un prophète lui aura été envoyé. À la kulli hal ici, al-marsoud, c'est-à-dire qu'il n'aura pas entendu donc al-haq, et qu'un prophète ne lui sera pas venu donc lui parler de la vérité, ou de ceux qui transmettent des prophètes, ou qui ont appris des prophètes. Donc cette personne-là, celle qui est mata, yani, fi fataratin. Il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fayaqul, Rabbi, laqad ja'a l'islam, wa ma asma'u shay'an. C'est-à-dire, ils vont tout simplement apporter leur excuse devant Allah azawajal, yom al-qiyama. Car ce qu'on est bien ici, yom al-qiyama, arba'atun yom al-qiyama, yaqul le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, donc celui qui était sourd, il va rapporter son excuse. Rabbi, c'est-à-dire Seigneur, l'islam est venu et je n'entends rien. C'est-à-dire donc qu'il n'a pas eu la capacité d'entendre. Wa amma al-ahmaq fayaqul Rabbi laqad ja'a al-islam wasibyan yahrifunani bil ba'ar. C'est-à-dire donc, Seigneur, l'islam est venu alors que les jeunes donc me jeter sur moi, bien entendu, le ba'ar c'est le crottin donc des animaux. Tout simplement donc des jeunes qui vont faire cet acte-là avec une personne qui est folle, qui vont le prendre comme un amusement en fait. Donc c'est tout simplement ici une hujja, une excuse qu'il va avancer devant ce Seigneur pour dire qu'il n'avait pas la raison, qu'il était fou et qu'il était donc faible ou dérangé d'esprit comme on dit. Tayyib. Wa amma al-harim. Donc celui qui était très vieux, fayaqul Rabbi laqad ja'a al-islam wa ma aqil shay'an. C'est-à-dire l'islam est venu alors je n'avais plus la raison. Plus la raison donc de comprendre, plus la capacité de comprendre, plus donc la raison de par mon vieillage. Wa amma alladhi mata fi fatra fayaqul Rabbi ma atani raka rasul. C'est-à-dire il ne m'est pas venu donc d'envoyer de ta part. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un ordre pour voir donc s'il va les suivre et s'il va donc obéir alors à son ordre. Il va leur dire tout simplement de rentrer dans le feu, anitrulu an-nar, de rentrer donc dans le feu. Et à ce moment-là, il dit le prophète sallam, fawalladhi nasu Muhammad biyadi law dakhaluha la kanat alayhim bardan wa salam. Il va donc jurer le prophète sallam par Allah que si donc ils vont obéir, s'ils vont rentrer donc dans ce feu, ils vont trouver donc ce feu de par la puissance d'Allah Azzawajal, froid, un feu donc qui est froid, qui est totalement donc inoffensif, qui est un feu qui est froid, qui est totalement inoffensif. La kanat alayhim bardan wa salama, comme cela bien entendu est arrivé au prophète Ibrahim. Donc ici, qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre donc pour ce qui est de ces quatre personnes. Celui qui n'a pas entendu, il n'a en réalité ici pas la compréhension, il ne peut avoir donc bien avant même la compréhension, le hujja ne peut lui être exposé et ne peut donc lui parvenir, cette hujja. Pour ce qui est donc de la personne qui n'entend pas, le sourd, et pour la personne qui est donc née ou qui est mort donc entre deux périodes, qui est mort donc à un moment où il n'y avait pas donc d'envoyé pour qu'il puisse donc accéder au message. Donc ici c'est plus que clair pour les deux premiers. Par contre pour les deux autres, al-ahmaq ou al-harim, ici, Al-Hujja, la preuve leur est venue. Par contre, ils n'ont pu la comprendre, mais qu'ils n'ont eu la capacité de la comprendre. Donc à partir de là, c'est bel et bien une compréhension qui va être demandée. Si cette compréhension n'a pas lieu, alors on peut appliquer également ici Al-Hukm. Ensuite, donc, on va également s'apercevoir que lorsque la personne n'a pas la compréhension, lorsqu'on parle donc de compréhension, cette non-compréhension ou cette absence donc de compréhension et de discernement et d'appréhension, elle peut venir en réalité de deux causes, ou alors elle va être de deux catégories. C'est-à-dire une personne qui ne va pas comprendre du tout ce qui est donc démontré, qui ne va pas comprendre donc du tout la preuve, taillée de façon bilkulia, c'est-à-dire de façon totale. Ça, c'est pour ce qui est de la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne qui va la comprendre à la ghayril maqsoud minhu, c'est-à-dire qu'elle va la comprendre, mais dans un autre sens, le sens qui n'est pas voulu en réalité. C'est comme une personne, par exemple, en lui posant une question, elle va comprendre la question de travers, elle va répondre complètement à côté. Ce serait ici la même chose. Taïb, c'est donc ici la deuxième catégorie. Pour ce qui est de la première catégorie, on l'a vu. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pris compte des trois personnes. Donc on a vu celui qui dort, le jeune enfant, également donc celui qui est fou. Et qui ne peuvent donc comprendre, et ça de manière totale, la preuve. Donc ici, pour ce qui est de cette première catégorie, c'est clair. Par contre, pour ce qui est de la deuxième catégorie, celui donc qui ne veut pas comprendre la preuve comme il se doit, et donc à partir de là qu'on ne peut dire que sur lui la preuve elle a été exposée et donc il n'y a pas eu la compréhension, on va s'apercevoir qu'on a des exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces exemples qu'on va prendre, le hadith de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, lorsque un des versets du Coran qui est descendu et qui concerne le mois du Ramadan et ses règles, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 187, يقول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود. Donc ce verset là, comment il a été compris par Adi رضي الله تعالى عنه, comment il a compris ce verset, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, mangez buvez jusqu'à ce que se distingue donc pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait Adi et comment il a compris le verset? Il a tout simplement pris un lacet noir et il a pris un lacet qui était blanc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis donc dessous ces deux lacets, il les a mis, un blanc et un noir, il les a mis dessous son oreiller, et ensuite il s'est endormi. Et après, durant la nuit donc, il a commencé à regarder pour voir s'il pouvait faire la différence entre le noir et le blanc. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Tayyib, il a compris le verset de cette façon là et bien entendu il n'a pu faire la différence. Et donc il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la matinée est arrivée, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué que cela correspondait donc au noir de la nuit et le blanc donc de la journée. Et à partir de là donc, il a mis en évidence comment on va comprendre ici le verset du Coran. Donc on voit ici qu'il y a eu une compréhension, mais une compréhension qui n'est pas suivant donc ce qui a été voulu. Taïb. Et également un autre hadith qui est connu, plus connu celui-là, hadith d'Ibn Omar. Lorsque le prophète sallam, Yom al-Ahzab, donc le jour des coalisés, lorsque le prophète sallam avait donné l'ordre à ses compagnons de ne pas prier le Asar jusqu'à ce qu'ils arrivent donc dans la contrée où habitait Bani Qurayza. Et on sait que certains, comment ils ont compris donc cet ordre-là du prophète sallam, ils ont compris qu'ils ne prieraient pas le Asar, même s'il vient le temps du Asar, jusqu'à qu'ils arrivent à l'endroit même. Et d'autres qui n'ont pas compris de la même manière, ils ont compris qu'au moment donc arrive le Asar, c'est nous prions, c'est-à-dire que nous prions donc au moment où on va arriver donc le Asar, et même si on n'est pas arrivé à cet endroit-là. Et bien entendu ensuite ils sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas donc accusé l'un ou l'autre par rapport donc à leur compréhension. Mais sachant bien entendu, comme cela est connu chez les savants parmi al-Usuliyin, parmi les gens des bases, qu'il n'y a qu'une vérité. Il ne peut pas avoir donc deux vérités par rapport à une question, par rapport à un sujet. Et donc à ce moment-là, il y a bien eu une seule vérité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accusé personne. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas atteint al-maqsoud, qui n'ont pas donc compris la parole du prophète suivant le sens que lui a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été ma'vour, ils ont donc été excusés de par donc cette mauvaise compréhension. Donc il y a une compréhension ici, mais pas ce qui a été voulu. Donc à partir de là, on voit que c'est également un exemple pour ce qui est de cette deuxième catégorie, min adam al-fahm, c'est-à-dire donc de la mauvaise compréhension. Également, on va s'apercevoir, et on va terminer par cela, donc pour ce qui est de comprend ce qui est Qiyam al-Hujjah, lorsqu'on parle de Qiyam al-Hujjah, l'exposition de cette preuve-là, on va rappeler également une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son fameux livre, et qui est un livre que tout talib al-ilm doit lire, tellement il y a des fawaïd dans cette risala, qui s'appelle bien entendu Raful Malam anil A'immatil A'lam. Et il va donc parler, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ici, dans ce qui est de la mauvaise compréhension du ce qu'on appelle un nas, donc du texte. Il va dire donc dans la sixième cause, As-sabab al-sadis, Adamu ma'rifati bid-dalalati al-hadith taratan, likawni al-lafz alladhi fi al-hadith ghariban 'indahu mithl al-lafz mazabana wal-mukhabara wal-muhaqala, etc. Donc il va tout simplement dire que parmi les causes donc qui vont faire que la personne ne peut atteindre réellement ce qui est indiqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement que lafz, donc les termes qui vont donc être utilisés dans ce hadith, ils vont être étranges à cette personne là il va donc citer des exemples comme al-muzabana, al-mukhabara, al-muhaqala, donc des termes, ce n'est pas tout le monde qui peut connaître donc ces termes là ce qu'ils veulent vraiment dire. Et donc le fait qu'ils ne vont pas comprendre ce terme, il va avoir ensuite une mauvaise compréhension par rapport à la compréhension du hadith. Donc cela n'aura pas été voulu par eux-mêmes ou de par leur irada, de par donc leur volonté. Mais c'est en réalité, ça va rentrer ici dans le ralat, ça va rentrer dans l'erreur et savoir pour résultat une mauvaise compréhension. Donc ici également, on va comprendre par rapport à ça dans ce qui est de Qiyam al-Hujjah également. Il va nous rappeler également ce qui est en considération ou ce qui est en relation avec l'histoire qui est arrivée avec Adi, avec Al-Khayt al-Abiyad ou Al-Khayt al-Aswad lorsqu'il avait pris les lacets. Et également, lorsque certains parmi les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu ce verset, Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum, le verset qui concerne donc le dos, certains donc, à ce moment-là, ils avaient compris de se laver et de faire ces ablutions jusqu'au donc Al-Ibt, jusqu'à l'aisselle. Donc passer de l'eau jusqu'à l'aisselle. Donc on voit également, ça c'est des compréhensions par rapport au terme. Yani, Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum, ils vont comprendre ici donc le terme, les mains, qui est un terme général qui peut vouloir dire donc jusqu'en haut, jusqu'à l'aisselle. Certains sahaba, ils l'ont compris comme cela. Et également, ils vont nous dire, Ibn Taymiyyah, wa taratan ikouni dalala min an-nas khafiya. C'est-à-dire que des moments, ce qui est indiqué par an-nas, ce qui est indiqué donc par le texte, ça peut être donc dissimulé, caché. C'est-à-dire que ce n'est pas évident à savoir. Seuls ceux vraiment qui ont une très bonne compréhension et avoir une grande faculté, donc ce qu'Allah Azzawajal leur a donné donc l'ilm, ce qu'Allah Azzawajal leur a donné la science et la précision dans cette science là également, ça peut être une cause de la mauvaise compréhension. Donc à la kulli hal, ce qu'on va conclure de tout ce qui était dit précédemment, c'est lorsqu'on parle donc de qiyam al-hujjah ala al-mu'ayyan, et qui est donc une des conditions pour que l'on applique ici la règle, et qui est la règle du takfir, il faut que la personne elle lui soit donc parvenue. Ensuite, qu'elle lui ait été mise en évidence, cette preuve-là. Et qu'ensuite donc, il ait compris cette preuve-là comme il se devait. C'est-à-dire qu'il l'ait compris de manière complète et qu'il l'ait compris donc suivant le sens qui est voulu par le char, suivant le sens donc qui est voulu par la législation. Taïb. Donc tout ça en réalité, ça va rentrer dans ce qui est Qiyam al-Hujjah. Et automatiquement également, ici, une parenthèse, c'est qu'également, si on jette un regard par rapport à celui qui va donner la preuve, certains savants disent, au minimum, que ce soit une personne qui ait un minimum de science, qui soit donc un talib al-ilm, ou qui soit une personne donc dite de confiance, et une personne donc qui a un minimum de capacité pour mettre donc en évidence la preuve et pour que la personne également donc puisse comprendre de lui comme il faut. Taïb. Car également ça, savoir une importance qui va être fondamentale par rapport à ce qu'on appelle Qiyam al-Hujjah et qui va donc directement en relation avec la compréhension. On peut entendre une preuve d'une personne et ne pas la comprendre parce que la personne ne sait pas expliquer réellement cette preuve-là ou ne sait pas en réalité la démontrer. Inam. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour ce qui est donc de cette troisième condition. Et bi'idhnillahi ta'ala, on reviendra Inch'Allah le cours prochain Donc normalement ce sera mardi, bi'idhnillah. On reviendra donc au prochain et on terminera donc ce sujet pour ce qui est donc des shurut al-takfir. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.